Vous écoutez présentement l'album de KCLM NOP and the World Crew, qui sont en tournée en ce moment en France, dans le quartier de Orléans, qui est genre à 150 km au sud de Paris. Et pour ceux qui n'aiment pas la France, ben laissez-moi vous dire que les cités là-bas explosent, tout comme ici. Le stress là-bas, c'est le stress ici, c'est la même chose. Changez vos prises d'idées pour la France est stylée. Et sans plus tarder, nous allons passer au tirage du 9 mm chromé Smith & Wesson, gracieuseté du poste de police de Chambly sur la rue sud de Montréal. Oui, on a déjà eu un gagnant, c'était Gucci Biatch ou Gucci Toy Boy. Ça tombe bien parce que je pense qu'il va en avoir de besoin avec toutes les filles qui ont violé dans la communauté. Anyway, c'est pas une joke à faire, pauvre type. Enfin bref, on se laisse là-dessus. Et puis, on se revoit de l'autre côté parce que je pense que bientôt, on va être coupé par l'FCC ou je sais pas qui nous check. Jusqu'à temps que quelqu'un de la communauté explique à Babylone qu'est-ce que ça veut dire, Doc Babylone. Alors, on vous laisse pour l'instant sur Doc Babylone 69.3 FM. C'est simple. Mon père et ma mère adoptive, je les aime. Point final. C'est ça.